Chapitre 5, page 41, exercice 4. 1. Quand elle a vu la foule dans la rue, Isabelle a rebroussé chemin et Nicole lui a emboîté le pas. 2. Xavier est un incompétent et pourtant, il a été nommé à la tête de l'entreprise. On marche sur la tête. Dans la foulée, Max a donné sa démission et Julie l'avait précédé de peu. 3. Stéphane est parti en Italie, puis en Norvège, et est revenu à Marseille en passant par Bruxelles.